Nacht. Eine Landschaft in völliger Stille. Von ferne ein Radio. Véritablement, tellement il est peuplé de cauchemars. Autour de toi, des passions, des blouses blanches, des supérieures. Mais tu t'es vu toi-même comme l'une d'elles. Tu t'es vu de part et d'autre. Et tu t'es posé nombre de questions sur ce qui se tramait en ce lieu, en ces lieux, car le pluriel conviendrait mieux au regard des souvenirs qui sont les tiens. Tant tout ici semble vouloir se mouvoir, passer d'un présent à un futur improbable. Certains aspects même des lieux semblent menaçants, comme des lieux où tu pourrais trouver ta perte, comme les craintes maintes fois convoquées alors que tu te rendais dans les pièces d'eau. Et cette eau même omniprésente au sein de l'hôpital, qui ruisselle des murs et qui semble envahir le dedans. Que tu voudrais pouvoir courir au dehors, faire reculer toutes ces impossibles qui font somme et qui ébranlent tes résolutions. Dans le bureau des supérieurs, lorsque tu te trouves loin des autres patients, tu es en confrontation avec eux. Et là, tu t'affirmes, tu sais qui tu es, tu sais où tu es, tu sais quand tu es. Dans les couloirs, tu sembles flotter sur les eaux qui ruissellent des murs, comme si le temps lui-même s'écoulait par la bonde, t'échappait, fuyait, devant, derrière, au-delà. Les mots même semblent fuir les pages des livres et le patient alphabet t'a confié qu'il les buvait, que son oubli consommait le contenu des livres. Qu'est-ce qui peut rester en ces lieux? Qu'est-ce qui peut te dire ce que sont ces lieux, ce que tu es toi-même? Et dans cette multitude, qui serait digne de voir ton amitié confiée. À qui pourrais-tu te fier dans cet hôpital ? Tu es assise, seule pour l'instant, devant cette table lisse, anodisée, autour. Les instruments mesurent quelque chose qui fluctue, comme l'eau monte et descend dans les couloirs. Quelque chose qui est présent, qui oscille, qui parfois éteint les voix que tu entends tout autour de toi. Amoindris les cris de la forêt au dehors qui voudrait pousser au-dedans. Tu n'as toujours pas rencontré le directeur. Tu ne l'as toujours pas rencontré. Comme si tu étais condamné à explorer très profondément les lieux. Les oscilloscopes mesurent quelque chose. Quoi, tu le sais, mais quelque chose qui est en toi, autour de toi, entre en toi, sourd de toi. Qu'est-ce que c'est ? Tu l'ignores. Il y a ces images comme des cellules grossies des milliers de fois affichées à l'écran. Derrière le bureau que doit occuper le supérieur du moment. Et toi, tu n'es que la passion 13. Et qui serait digne ici de ton amitié ? Dans l'attente de la confrontation, tu es seul, comme je l'ai dit, dans ce bureau, avec seulement ces appareils qui mesurent les choses. Au travers de la fenêtre couverte de buée, tu vois la forêt toute proche au dehors. Tu aperçois la silhouette de bâtiments qui n'ont pas encore été totalement envahis par cette forêt. Des bâtiments vieillots. Des bâtiments qui, pour ainsi dire, menacent de disparaître. Et le temps s'écoule, fuit autour de toi au rythme des oscilloscopes. Tu es seul, et à qui penses-tu en ce moment ? Qui pourrait être ton ami Leslie ? Je l'ignore. Je ne sais pas. C'est étrange, mais... On pourrait facilement définir ce qu'est un ami, mais moi, tous les autres patients seraient capables de définir facilement ce que c'est. Mais moi, je ne sais pas trop. Un ami, c'est quelque chose qui est censé... Pour moi, un ami, c'est quelque chose qui meurt à cause de toi. Tu vois, c'est ce que je ressens pas. Tous mes amis sont morts à cause de moi. Tous? Enfin, presque. Sauf deux, mais du coup je ne sais pas qui ils sont pour moi. Peut-être que ce sont des amis, vraiment amis seulement. Je ne saurais faire la différence entre ces deux personnes, à part qu'elles ont l'air d'avoir d'être qu'elles sont assez affectueuses avec moi, mais j'ignore après les différences entre ces deux-là, ces deux personnes. Sur la table, non loin de toi, alors que ton attention s'est détournée des oscilloscopes tout autour, éclaire par intermittence ton visage, perce les ténèbres artificielles de la pièce, car au dehors, le jour est présent au travers des broussailles touffues qui gangrènent le jardin, le parc, où quelque chose semble s'agiter par intermittence, mais peut-être ne sont-ce que les mouvements des oscilloscopes. Et là, sur ta feuille, là où tu avais commencé à dessiner, une espèce de petit cancrelat s'avance à tout petit pas. T'interdisant de toucher même ta feuille, menaçant de monter sur ta main, est-ce que tu l'écrases de ton crayon ? Non, je menace de le faire. Sa petite tête percée de petits yeux qui captent les lumières des oscilloscopes se tourne vers toi, s'agite et effrayé, il s'éloigne. Et dans les bruits qui viennent du ventre même de l'hôpital, des canalisations, tu entends les voix des insectes que seuls les oscilloscopes éteignent, comme si la mesure qu'ils prennent éteignait leur chant, qu'ils avaient un couloir sonore propre. Et là, était-ce dans son couloir que le cafard t'a dit quelque chose ? Oui. Peut-être était-ce dans son couloir, ou peut-être était-ce dans celui d'un autre, celui des mammifères auxquels même les êtres de lumière noire sont censés appartenir. J'ai entendu. Moi, S'il te plaît, quel goût je peux avoir? C'est quoi cette question? Dis-moi quel goût je peux avoir et je te laisserai me manger. Je ne mangerai jamais un truc comme toi. Juste dis-moi, s'il te plaît. Douce rêveuse, quel goût je peux avoir? Je suis pas une rêveuse. T'as qu'à aller voir Marmotte. Comme si je t'avais compris. Le cafard s'éloigne de ta feuille, descend de la table et va se réfugier sous une plinthe et disparaît dans l'obscurité de l'immeuble. Pourtant, tu entends tout autour bruire les insectes qui pullulent dans l'établissement. Tu n'as que le souvenir de ce temps passé devant les oscilloscopes, à contempler ces cytoplasmes, ces cellules qui s'agitent sous les appareils de mesure des docteurs, des docteuses, des lecteurs, des lecteuses qui hantent cet établissement. Et dans la main, tu n'as qu'un fragment de roche arraché au mur même, au couloir. Un fragment qui représente le tout, qui représente l'hôpital dans son ensemble. Un fragment de bois tellement ancien, tellement vermoulu, imprégné de lichen et de souillure, qu'il a pris une teinte ocre, comme s'il avait été au-delà des gravures que lui ont apportées les patients dans leur séjour, comme s'il avait gardé les traces des lumières dont était pourvu le bois dans lequel tu te trouves. Un bois sombre, une grasse nuit, tu te souviens seulement avoir contemplé les nuages sortir de l'hôpital. Tu as quitté l'hôpital et vu les arbres tout autour qui entourent l'hôpital. Et tu es sur la Drève maintenant. Mais les nuages ont fui et il n'y a que l'obscurité. Dans le bois de cette grasse nuit, alors que tu t'éloignes de l'hôpital avec pour seul souvenir dans ta main ce morceau de bois flotté, gravé ou est représenté de façon presque naïve, l'hôpital qui vous torture, toi et les autres patients. Est avec toi, qui t'accompagne. Ils sont là tous les deux. Coucou. Qu'est-ce qui te rassure dans la présence d'Elie? Est-ce Hey, tu sais, j'ai fabriqué un jeu, il est trop bien. Celle-ci, en voulant toujours jouer dans le bois. C'est en fait... C'est bonne humeur aussi. Moi, je cours et toi, tu essaies de m'attraper. Seul dans l'obscurité. Bah on trouve une plaine quand même. Mais il n'y a rien. Et pourquoi il y aurait une clairière qui fondrait le bois tout à coup? Bah parce que tout est joyeux dans la vie. Tout. Oui, tout est joyeux. En es-tu si sûr? Mais bien sûr. Je le suis bien moins que toi. Mais il faut sourire dans la vie. T'inquiète pas, moi c'est déjà fait. Mais je parle à Boutou. Oui. Mais tu veux trouver où une carrière? Bah, je sais pas, on n'a qu'à chercher. Mais il faut pas trop s'éloigner. Ouais, c'est vrai ça. S'éloigner de quoi? De notre prison? Ne voulez-vous pas fuir ce lieu qui nous entrave? Je crois que ce sera intéressant. En tout cas, il faut quitter la sente. Tu peux pas te détendre un peu? Boutou, il est toujours stressé. Me détendre alors que j'ai vu qu'approchait l'araignée bleue? Je ne peux pas. Mais de quoi? Quelle araignée bleue? J'ai vu un être formidable. Juché sur ses 8 pattes. 8 pattes. Licorne à 8 pattes. S'avancer sur le chemin. Sa grosse tête. Ouais, ça doit être magnifique. Était la tienne. Quoi? Je suis une licorne? Non, je n'ai pas une licorne. Je ne sais pas si ce sont les médicaments qui ont fait parler le rêve en moi. Mais souvent, quand je m'endors, à côté de Marmotte, un peu de ses rêves viennent par contagion. Il faut que tu traînes un peu moins avec elle, si ça te dérange. Bah, écoute pas les cauchemars. Écoute la voix de la joie. Si seulement c'était facile. Et toi, tu es si joyeux que tu pourrais t'éloigner comme ça dans le bois. Oh, mais... au mépris de... Bah, je pourrais pas m'éloigner du présage dont je viens de te parler. Bah, je pourrais pas m'éloigner sans vous quand même. Une énorme et grosse araignée qui voudrait nous boulotter. Mais de non. Ses mandibules, de ses chélicères. Mais non, mais si je voulais vous manger, ce serait déjà fait. Réfléchis donc, Nani. Arrête, tu vas lui faire peur. Tu lui fais confiance à cet Olibrius? Bah oui. Oui. Pourquoi toi tu ne le feras pas? À cause du présage que j'ai eu en dormant près de ma copine Marmotte. Moi, tu lui fais pas confiance à Marmotte? Si, mais moi j'ai rien à perdre. Mais si c'est un rêve, c'est un rêve. Faut pas rêver. On ne choisit pas de rêver quand on s'endort. Oui, mais bah, faut pas écouter les rêves. Les ailes. Arrête, tu fais trop de vent là. Tu vas me faire envoler mes feuilles. Et de maman. Et je m'éloigne dans. Plein de bonbons, j'essaie de l'attraper. Non, attends. Voilà, tu l'avais fuir, hein, avec tes petites histoires. Il y a plein de choses ici qui me font dire que c'est lui la grosse araignée bleue. Je suis là. Mais copain, pars pas. Pour une fois que je m'étais trouvé un copain. J'ai peur qu'il me mange. Mais non. Tu crois que je vais te manger avec mes toutes petites dents de lait? Oui, il a même pas encore ses dents à maturité. Le seul d'entre nous qui pourrait te manger ici, c'est moi. Et je veux pas, donc je te rassure. Et puis si je suis si joyeux, pourquoi je te mangerais? Hein? Oui, il mange des légumes. C'est trop bon. Il mange des épinards. Même si je préfère les gaufres. Comme dans le dessin animé Popeye. Mais... Et pourquoi je le préfère les gaufres. Pourquoi, par terre, il y a cette chose blanche? Oh, ça, c'est rien. Parce qu'il y a tout autour une obscurité, mais je sais qu'il y a des choses là qui guettent autour de nous dans le bois. Des choses qui hantent ce bois. Mais c'est rien, c'est des champignons lumineux. C'est des champignons hallucinogènes. C'est lui, j'ai touché des champignons. Voyons. Qu'est-ce que c'est? C'est des champignons. Regarde sa main. Et il m'a touché, regarde ce que ça fait. Ah, mais touche pas, espèce de contaminé. Mais non, c'est des champignons. Tu me touches pas, sérieux. Mais arrêtez, c'est juste des champignons. Les champignons, ils poussent sur les garçons maintenant. Mais non, il a touché aux champignons. Mais non, ça pousse pas sur les garçons. T'es sûr? Bah oui. Je suis une fille et il y en a pas qui pousse sur moi. Ah. Hey, laisse-moi tranquille. Non. Fin des rétro Satanas. Et tu dis que ça pousse pas sur les filles. Non, tu m'auras pas. Tu m'arrives pas. Non. Laisse-moi tranquille. Non. C'est quoi ça? C'est dingue ça. Non. Tu sais bien où ça a passé, non, hein. Non. En plus, il y en a sur mon tweet. Ah. Tu vas te raser. Ouais. En plus, j'avais. Qu'est-ce qu'il y a sur ça? Sur ses joues? Oh, il a. Il en a dans la bouche. Ça va? C'est pas bon la mousse à raser? C'est le Père Noël. Non. Mais c'est la barbe du Père Noël. Qu'est-ce qu'il y a sur ton visage qui le rend tout blanc? Voilà, moi j'ai. On est en pleine grasse nuit et regarde, ça sent. Ça semble rongé. Et depuis qu'il m'a touché, ben, mes mains, elles sont aussi rongées. Dans non, ma non, non, non, mais touche toi. Pas mais tu, non, j'en ai pas. Mais touche t'es pas. T'es sûr? Non, mais touche pas. Pourquoi tu craches ton venin t'as... par terre? Mais non, c'est parce que la barbe du Père Noël, elle va dans ma bouche. Montre ta main. Faire une analyse, tu vois. Qu'est-ce donc que cela? C'est ce que tu regardais dans le laboratoire tout à l'heure, avant qu'il ne t'éloigne. Qu'est-ce qui nous ronge? Qu'est-ce qui vous? Mais moi j'ai rien, moi je suis normal. C'est parce que... Parce qu'on serait rêvé par toi, c'est ça? De quoi? On est normal. Non, c'est pas de ma faute, hein. On est normal. Oui, t'es normal. Respire. Ok. Et le sourire qui est tout le temps sur le visage de Ellie, cette fois, il n'est plus là. C'est comme s'il n'avait plus de bouche. Il a l'air très triste. Du coup, c'est pas de ma faute, hein. Rassurez-moi. Je suis pas bizarre. Oui, t'es normal. Tu es normal. Écoute-moi, tu es normal. D'accord? Dis oui. Oui. Voilà. Mais lui, il dit que je suis tout blanc. Ouais, bah, regarde sa tête. Parce que t'es. Je te vois dans la grasse nuit. Tout blanc comme si on était dans les forêts limbiques. Mais et on n'est pas rentré dans les forêts limbiques. Pas encore. Et t'as la bave au bord des lèvres comme si t'allais nous inoculer ton venin dans le corps pour mieux boostifier. Arrête, s'il te plaît. Arrête. C'est pas le moment de dire des choses qui ne vont pas se passer, qui ne vont pas se passer. J'ai tué mon copain. Chut, taisez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous, ok? On respire un coup. Et on va essayer de trouver la cause de ça, d'accord? Mais j'arrive plus à respirer, j'en ai dans le nez. On souffle par le nez. c'est bon? Il y en a partout sur eux. Il en a répandu partout, tout autour. Regarde, par terre, les fougères, elles sont couvertes de ça. Tu sais ce que c'est, toi? Non, je sais pas. Si c'est pas lui qui l'a vomi entre ses mandibules, alors qu'est-ce que ça vient faire dans la forêt qui est autour de l'hôpital? Hein? Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Oui, voilà, c'est peut-être quelqu'un d'autre au lieu de l'accuser. Il y a quelque chose qui viendrait ici, qui serait embusqué. Et puis d'abord, je jouerai jamais à mon jeu. C'est quoi ton jeu? Tu disais que tu voulais courir. Au chat. Au chat? C'est quoi le jeu du chat? C'est en fait, il y en a un, c'est le chat, et l'autre, c'est l'autre chat, et en fait, les deux chats, ils jouent ensemble. Et en fait, il y en a un, il doit attraper l'autre. Il y a le chat blanc et le chat noir. Et le chat noir, c'est celui qui doit courir pour ne pas se faire attraper. Le chat blanc, c'est toi? Mais de quoi? Tu veux me courir après, c'est ça? Tu veux avoir une raison de me courir après? Mais non, mais moi je veux juste jouer. Stop! Arrêtez, vous commencez à m'énerver là. Vous commencez à réellement m'énerver là. À dire n'importe quoi. Ont disparu dans le ciel et le sol est tout entier de sphaigne, de mousse spongieuse. Cette forme qui semble comme un gros hibou juché sur deux pattes, petit bonhomme ventripotent que la nuit semble habiter. Tu entends autour dans le bois. Vous entendez l'un comme l'autre. Les branches craquer sous un pas. Et lui semble seul, immobile au milieu de l'étendue d'eau sur lequel se reflète la lune. Comme elle se reflète sur le blanc laiteux qui recouvre tes mains, tes pieds nus, et les pieds nus de... Leslie. Non, pas les pieds nus. Non, mais pas comme ça rase sur le pied. Non. Qui sont devenus tout blancs au contact du sol de l'humus. Il n'y a pas de bob, juste de la mousse gorgée d'une eau souillée de ce blanc laiteux. Et là, quelque chose surgit entre ton gros orteil et ton doigt. Tu agites ton pied en équilibre. Et ça s'éloigne. Ok. Dans l'obscurité, ça... Pourquoi le monsieur il me répond pas ? Chut, tais-toi. Il s'approche, tient sa canne. Reste en lui. Tend l'autre main sur laquelle est juché un corbeau squelettique et te dit. Tu ne fais pas de mal. Sinon, c'est moi qui voudrais du mal, hein. Tout est lié. Non, c'est pas ça. C'est pas très poli, après. Il est méchant. Il semble s'éloigner dans le bois. Tu entends le craquement des branches qui refluent. Disparaît avec son corbeau. Mais c'est pas parce qu'il fait peur qu'il est méchant. Je lui ai demandé un truc, il m'a pas répondu. Il m'a dit juste tout est lié. Ça veut dire bonjour. Tu entends des animaux, des cris d'alerte tout autour de vous, comme s'ils faisaient cercle. Que les bruits de l'orage lointain semblent s'amenuiser, s'éloigner, pour que... Je sais pas. Qu'enfle la rumeur des insectes. Tes mains blanches sont froides, ton petit nez aussi. Comme si la blancheur le rognait, comme si les couleurs qu'il avait fuies dans les forêts limbiques avaient emporté le nez pointu des lits dans les ténèbres de la nuit, ou comme si tes mains ne t'appartenait plus, sitôt que tu les poses sur une branche pour écarter celle qui menace de scinder ton visage alors que tu t'éloignes de... Mais où est la sente ? Leslie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu peux me promettre de me protéger ? Je vais essayer. D'accord. Tu ne m'abandonneras pas. Oui. Tant que je pourrai, je resterai avec toi. D'accord. Qu'est-ce qui est dans ta main ? qui est dans ta poche. Tu sens quelque chose? Oh. Dans la poche de ton pantalon de pyjama. Oh. Oh. C'est quoi? C'est quoi ça? Ne touche pas à ça, ok? Ça fait quoi si j'appuie dessus? Non, non, appuie pas! Appuie pas! Ça fait de la lumière? Oui, mais évite, ok? D'accord. N'appuie surtout pas là-dessus. On est dans une forêt, allô? Oui, bah s'il fait noir, du coup, il faut de la lumière. Non, non, non, non, non, non, non, non! N'appuie pas dessus, s'il te plaît. C'est dangereux. Comment ça marche? Il marche pas. De toute façon, il marche pas le machin. Quel souvenir risquez-vous de perdre si vous ne prenez pas les mesures qui s'imposent? Une fois, un rire lointain, effacé par la distance. Quand tu as pris ce briquet, quelque chose se passait, quelque chose se tramait. Tu étais dans l'une des pièces obscures de l'hôpital. Tu te souviens avoir fait jouer la molette de ce briquet. Tu te souviens du bruit que produit l'ustensile lorsque jaillit la flamme à force de faire courir ton petit pouce sur la molette. Et là, il refuse de jouer. Mais pourtant, à ce moment-là, il a bien joué. Tu étais dans la cave et là, tu as allumé des bougies, plein de bougies, devant une petite statuette de cuivre. Je fais des trucs sataniques, moi. Devant des... une petite statuette de cuivre que tu avais trouvée dans le grenier en haut, parce que tu as suivi le dessin de l'hôpital, le dessin qu'avait trouvé ton ami. Je suis en prison. Tu as trouvé le chemin de l'escalier extérieur, tu as échappé à la surveillance des blouses blanches pour trouver cette petite statuette votive de cuivre. Et avec le briquet, tu as allumé les bougies une à une, tu te souviens. Mais là, dans le bois, il se refuse à s'allumer, ce briquet, c'est cela? Il n'est pas gentil, le briquet. Il veut pas faire la lumière. Il veut pas faire la lumière qui se propage. Qu'est-ce que t'as oublié avant cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'étais à la cave? Pourquoi tu t'es réfugié à la cave? Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'immeuble pour que tu ailles dans la cave et que tu allumes les bougies dans le noir. Je me souviens. C'était un... quelqu'un, il s'appelait Poulpi. Il m'a dit, fais attention, c'est moi le chat. Je vais t'attraper. Et Poulpi, il m'a regardé. Du coup, bah, j'ai couru. Et je me suis caché dans la cave. Et ensuite, j'ai entendu un braum, braum. Et puis, je suis ressorti. Tout était et en fond, il n'y avait que des lumières qui se propagent. Le feu? Oui. La fumée? et Poulpi, il était au milieu debout. Et il tenait un truc qui avait plein de petits carrés dessus. Et il y avait aussi une sorte de barre en métal qui était par terre. Et j'ai entendu un... Alors je suis retournée en bas et j'ai réentendu un... Braoum, braoum. Parce que tu étais dans cette ignoble, ce vieil immeuble de Paris. Oui, et ça fait boum boum. Avec ton frère. Cette série d'explosions. Et tu t'es réfugié à la cave. Oui, et monsieur Alors Poulpi, que les terroristes entraient dans l'établissement. Monsieur Poulpi, il l'a dit, c'était une grenade qu'il avait dans la main. Et qu'il avait des roupiers. Des roupiers. Et qu'après, ça allait faire boum boum. Et qu'il fallait que je me cache. Et que la grenade, c'était pour faire peur aux méchants qui faisaient broum broum eux aussi. Du coup, bah moi, je suis allée en bas. Et que s'est-il passé quand la cire a fini de noyer? Bah, il n'y avait plus de broum broum. Tout était arrêté. Comme si le temps il s'était arrêté. Alors bah, j'ai pris d'autres bougies et ça a repris, mais il n'y avait plus de broum broum. Il y avait des messieurs avec des casquettes où il y avait marqué folice. Du coup, les policiers, ils sont venus et ils nous ont posé plein de questions. Ils parlaient en français? Non, si, ils parlaient en français. En français? Oui, en français. Et ils ont dit que je devais aller en prison pour ce que j'avais fait. Que j'avais fait plein de bêtises. Alors que moi, j'ai rien fait. Ils m'ont créé et ils m'ont mis en prison. T'as fait plein de dessins? Oui, parce que j'aime bien dessiner. J'adore. Plein de dessins. Pour expliquer quand tu étais dans l'hôpital pour te soigner le ciboulot. Oui, c'est le P de poilu. Le bonhomme poilu. Et je lui ai fait le même truc dans la bouche qu'à le policier. T'avais monsieur policier. Et je lui ai mis un peigne pour qu'il puisse se peigner ses poils. Parce que sinon, il serait toujours tout mal peigné. Et ce pied de poilu, c'est un monsieur tout gentil. Il vient aider les gens. Bah, c'est celui qui t'a accueilli dans l'hôpital. Celui qui est tout le temps. Oui, c'est Pé Poilu. À fumer et qui propose... Bonne celle-là, je t'assure. Oui. Et ils ont dit que c'était un pileur de cigarettes. Un pileur de cigarettes. Et aussi, moi, quand je suis sortie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que y a des scènes, elles sont sorties de mes mains et elles m'ont attrapée. Et elles m'ont mis dehors. Et les chaînes, elles sont rentrées. Alors que justement, je pensais aller dehors pour jouer à mon jeu. Ton jeu du chat? Oui, le chat-chat. Mais le chat... Bah moi, je suis un chat. Le chat blanc et le chat noir? Oui. Chat noir, chat blanc? Oui, chat noir, chat blanc. Et moi, je suis un chat-chat. En gros, ça sort. J'ai même... Et c'est Kat qui te pourchasse dans le bois? Bah non, c'est l'inverse. C'est moi qui cours. Kat. Et Kat, lui, il est tout content quand je le cours. Et on rigole bien, on s'amuse. Ouais. Des fois, il me fait la toilette. Ouais. En temps roulant. Oui, et des fois, c'est moi qui lui fais la toilette. Oula. T'as pas des poils dans la bouche, après? Bah, après, je crache mes boules de poils. Et ces boules de poils, c'est normal. Ok. C'est normal chez les chats. Moi, je suis un chat-homme. Un chat-homme. Mes parents, ils ont dit que j'étais un chat-homme blanc et noir. Et que les chats-hommes blancs et noirs, ils font comme les chats. Mais ils ressemblent un peu aux humains, aux hommes-hommes. Ils ont dit que nous, les chats-hommes, c'est normal d'avoir une queue de chat. Bah oui, vu que je suis un chat-homme. Il y a quelque chose qui est pas normal dans cette nuit de forêt. Oui, c'est pas normal que quand ils veulent pas jouer avec moi et qu'il n'y ait pas de clairière. Et là, il n'y a plus de branches à repousser. T'as laissé comme un chemin tout blanc qui s'éloigne du vieil hôpital dans la grasse nuit. Et dans ce chemin blanc et luisant, tu distingues comme une sente qui mène à toi. Mais au-delà, la sente s'élargit vers une grande clairière. Il y a une clairière! On va jouer à Chape le chat noir! Kat, il est où? Il est où, Kat, Leslie? Il est parti aux toilettes? Oui, il est parti aux toilettes. D'accord. Il est parti gratter au pied d'un arbre, c'est cela? Il est sur toi, tu le rassures? Et il revient quand, Kat? Vous entendez? Bientôt. Le cerf. Oh, il y a ses cerfs. Est-ce que j'aurais droit de caresser ses cerfs? Il aura peur de toi, peut-être. Qui dit qu'il est le maître de ces lieux? Qui dit aux autres cerfs de ne pas rentrer dans son territoire? Faut pas aller par là. Et je comprends ce qu'il dit. Il dit faut pas aller là-bas, parce que c'est sa maison. Mais là, tu es dans une autre maison, cette grande clairière. Tu t'es avancé, tu t'es éloigné de ton ami? Ben non, je suis toujours avec Leslie. Leslie, elle. Tu le suis? Oui, et après je me pose dans un coin. Ben moi, je me mets à côté d'elle. C'est comme une tourbière, une espèce de bourbier. C'est même pas une clairière. Vos sortes d'hôpital s'enfoncent dans la boue. Pas une clairière, c'est pas juste. Vous entendez l'eau glouglouter entre vos orteils, rentrer dans les petits trous et faire des bulles. C'est pas juste. Des bulles qui accrochent la lune. Pourquoi c'est même pas une clairière? Le feuillage tout autour a prospéré et fait comme... magnifique barbe au grand arbre dans le noir devant vous, sous la lune rouge qui monte dans le ciel, éclaire vos visages blancs, blêmes, vos visages sortis des couloirs des forêts limbiques qui attendent la nuit. Une nuit qui est comme habitée. Parce qu'il est occupé. C'est pas triste, il a le droit d'avoir un peu de temps pour lui. Mais j'ai peur. De quoi? J'ai peur quand Kat il est pas là. Parce que Kat il peut pas venir me protéger avec ses bras qui peuvent grandir et rétrécir. Oui, mais il sera toujours là. Si je suis toujours vivant, c'est qu'il est là. D'accord ? D'accord. Et si je suis là, il est là aussi. Ok ? Ok. Tu peux me passer une feuille ? Je sais pas. Dans le noir ? Le contact du papier te rassure ? Oui, j'aime bien dessiner. Mais là, tu ne vois pas si, à trois pas, si. Même avec tes yeux de chat. Oui, je vois. Ce que tu vois, c'est uniquement, ce sont uniquement les reflets de la lune rouge sur les mares d'eau, où surnagent comme des bandes de têtards d'un blanc luminescent, lactescent, comme si le brame avait semé son foutre, sa semence sur la feigne. C'est joli, ça fait des lumières. Il y a une vague odeur de charogne qui flotte dans la clairière. Et la clairière semble parcourue d'une onde profonde, lente, qui gonfle les eaux. Et faire ressurgir les voix du dedans, les voix qui pépillent dans l'hôpital quand on a pris les médicaments. C'est l'heure des médicaments. C'est l'heure des de mesures dans les salles d'examen des docteurs. Ça fait chaud, ça fait chaud. Qu'est-ce qui fait chaud? Bah, il fait chaud, ils font chaud. Et même le couloir aérien, le couloir sonore des insectes semble comme repoussé à distance, comme l'image de bouton a été repoussée dans les ténèbres de la grasse nuit, éloignée de la lueur de la lune rouge. Arrête. Baigne tout entière la clairière. C'est tout doux. Il y a un trou qui se colle à mes pieds. C'est tout doux. C'est tout doux. C'est une chair chaude. Une chair qui palpite un sang. Il brûlit quelque chose qui vient jusque dans tes oreilles. Un chant qui semble émaner des appareils de mesure alentour dans l'hôpital, mais n'a dans la forêt. C'est pas plus jeu. Ça brûle tes chairs, c'est plus du froid, c'est une plus brèche du jeu, froide. C'est de la triche. Ça tire ton pied. Ah, ah, oh, oui. Ça tire ton pied. Pourquoi tu m'as fait promis que tu me protégerais? Pourquoi tu tiens jamais tes promesses? Et là, tu choix par terre dans l'eau qui ondule au rythme de de cette pulsation qui monte dans la clairière. Je le tire. Et les deux lampes qui sont accrochées à... Tu le retiens ? Les deux lampes qui sont accrochées à tes chevilles. Je tire, tire. Quelque chose vient s'agripper à tes chevilles. Je pense à les griffes. Tes griffes rentrent dans cette chair flasque. Et vous êtes au pied de ce grand arbre esselé, ce vénérable. Comment pourrais-tu échapper à la fin vorace du vorgne qui nous domine de cette... Si tu veux faire ça, comme ça. Allez, hop. Qui étend ses branches innombrables et ceinture toute la clairière. Je prends le briquet et je prends le briquet et je le mets dans la boue. Quel souvenir pourra t'arracher à la fin vorace de ce vorgne qui siège au cœur de la clairière? Le souvenir de maman chat. Au-dessus de ton visage, alors que tu approches le briquet, le bec du céphalopode sylvestre s'approcher très dangereusement de ton visage, tu vois les sucs où sointe une sève purulente. Je saute sur le lait pour essayer de clouer le bec. Derrière le bec, alors que ton corps s'élève pour être englouti. Et vous vous retrouvez tous deux dans l'eau sombre et grasse de ses sucs dans son sac. Si tu allumes, on va brûler. Que tu enflammes ces sucs qui veulent broyer vos chairs. Pas la taille de la flamme. Qu'adviendra-t-il de ce sucre au contact de la flamme qui entend, selon toi, vous protéger? Tu vois des myriades de petits vorgnes qui flottent tout autour de vous. Tu en vois qui cherchent à rentrer en vous, dans votre bouche. Tu cherches à le saisir, tu l'éloignes de ton briquet. Avec ton petit briquet de base. Mais ton briquet, dans les sucres, ne parvient pas à faire jaillir sa flamme. Cela grésille. Ta main est toute grasse, elle ne parvient pas. Ne parvient pas à faire jouer la molette. Vous flottez dans ces eaux, dans ce ventre. Vous êtes dans le ventre. Griffe-les, toi. Ah, ici, moi. Bah, j'aime pas l'eau, je suis un chat. Tiens, donne-moi la main. Si tu aides ce chat, l'autre chat se noiera. Bah, non. Lequel? Pour savoir quelle résolution tu as. Résolution. Et tes veines. Je sais pas. Inutile. Ouais. Ce que je viens de faire avec lui. Que sert à rien de le retenir. De le tracter, car toi aussi tu as aspiré comme dans un vortex, une bombe. Et. J'ai fait une promesse. Quelle était ta promesse? À qui as-tu promis? De le protéger. De le protéger? De quoi le protèges-tu? Tu es. Dans la salle de bain. Il est en train de se noyer dans les baignoires. Vous êtes dans la baignoire, tous les deux. Je suis habillée, hein. La chemise, la casaque d'hôpital. Des socles plastiques aux pieds. Tes pieds sont nus. Les siens aussi. Vous avez chacun votre briquet dans la main. Il tient son briquet dans l'autre main, il a une petite goupille de cuivre qui figure une espèce de pieuvre stylisée. La goupille de cuivre, c'est la goupille de la grenade. La petite statuette, mais ce n'est pas une statuette, c'est une grenade. C'est une grenade qu'il a en main. Ne la découpille pas. Et dans son autre main, tout près de la molette, il a la fine tige de métal, la goupille. Tu entends... Dans les deux mains, c'est pareil. La grenade qui fume. Je crois que tu fais une bêtise, là. Ok, catch. Toi, tu te débrouilles. Au revoir. Je te laisse dans ta bêtise. Mais tu m'avais pas. T'avais qu'à pas découpiller cette grenade. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. C'est pas moi qui l'ai découpillé. Il y a quelqu'un à côté. La pièce est éclairée d'un vieux néon qui grésille. Qui est complètement déchaussé, qui est sorti de son logement et qui pendouille au bout des fils électriques à moitié dénudés. Il y a partout autour de la poussière produite par l'explosion récente dans les entrailles de ce vieil immeuble parisien. J'essaye de voir qui est à côté de lui. Tu aperçois une silhouette habillé d'un treillis avec des godillots qu'affectionnent les soldats. Ah d'accord, il a, on a des hommes armés à remonter d'eau. On a Poulpi. Un pistolet mitrailleur. Oh oh. Qui me pointe, c'est ça? Il est en train de me pointer, en fait. Il a sur le visage un masque à gaz qui dissimule les trois quarts de son visage. Il n'y a que ses yeux. Je lui grogne dessus, même s'il a une arme. Tu lui grognes après? Dis-moi pas que... Imagine. Dans quel lieu étrange vous perdez-vous? Tu sens qu'il est prêt d'appuyer. Tu ne mourras pas. Le seul moyen d'échapper, c'est de passer par la bombe. C'est de vous écouler par la bombe. C'est quoi la bombe? Ok, je vois. Mais le trou là dans les. Je vais pas me rendre liquide juste pour ça. Bah moi je vais me rendre chat. Tu n'es pas liquide. Bah si, je suis un. Est-ce que tu deviens l'eau que devrait contenir la baignoire? Et moi aussi je deviens l'eau. Je deviens l'eau moi. Une eau de lumière noire. J'ai pas envie de devenir de la lumière noire. Moi je deviens de la lumière noire. Non, je vais me reformer après, ok. Pas grave. Pas grave. Je deviens de la lumière noire. Chérie, me reformer après. Et mes oreilles, elles commencent déjà à s'écouler jusqu'à ce que ça finisse par être tout mon corps entier qui coule. Bon. Et la grenade découpillée tombe au pied de l'homme. Je crois que armé. Je vais faire pareil. Et l'homme, enfin la goupille, enfin la grenade tombe au pied de l'homme armé. Ah. Le pauvre, tu sais, il voit une grenade dégoupillée rouler vers lui, il fait quoi? Au-delà des sphincters du Vorgne, au-delà de la conduite du vieux parasite du temps de Trump l'ancien. Il y a des broutes. Et de Macron le jeune. Macron. Qu'y a-t-il au-delà de la conduite de cette vieille baignoire? Eh, en vrai, on est dans une baignoire, elle fait 3 à mètres. Il y avait quand même 3 personnes dans une baignoire, quand même. On en reparle. Une baignoire qui fait antichambre du cabinet que vous êtes venu consulter pour votre affection virale, ce médecin japonais. Ah, non. Le médecin qui est mort dans les escaliers, là, Poulpi. Celui que j'appelle Poulpi. Qu'y a-t-il au-delà de la bombe? Qu'y a-t-il au-delà de la baignoire de Poulpi? Où mène, ça fait beaucoup où mène la conduite, là. Leslie? Elle mène où lorsque... On ouvre ce robinet et que se répand le liquide noir et que tout saute les canalisations. Ouais, moi, genre ma main. Comme ça, c'est lui qui l'a. Lui, il a où bien vous répondez-vous? Dans quel lieu? Dans une bouche. Dans les bouches là, dans les rues. Dans une bouche. Les bouches d'égout. Oui, bouche d'égout. Comme ça, on sort dans la rue tranquille. D'une ville abandonnée. Mais... Non, d'une ville normale, d'une ville normale. Hein, d'une ville abandonnée. Ouais, mais imagine, quelqu'un va nous voir, ils disent... What? T'as pioché ta carte, Xavier? Ouais. T'as pioché ta deuxième carte? Non. My second card. Donc, c'est... c'est... Cette ville abandonnée, c'est une ville où serait-ce un vieux réservoir immense de béton et d'acier et de tôle rouge. On a fait péter un truc et maintenant il faut nous refaire péter. Mais non, c'est une ville, d'accord ? Ceci est une ville. Oui, autrefois, au temps jadis, elle s'appelait... Pripyat. C'est Tchernobyl. Je crois. Quoi ? Ils ont quoi, ils voulaient me faire péter, là ? Bah, moi, je suis le premier à me faire péter la tête toutes les 30 secondes, donc... Dans le réservoir. Tu apprends ce que ça fait. Mais non, je vais pas me faire péter la tête. Numéro 4. Oh non, mais pourquoi celui qui va exploser ? Comme par hasard ! Qui a fusé il y a longtemps et qui est abrité sous son sarcophage. Quoi ? Abrité sous son sarcophage de béton. Sarcophage ? D'accord, une usine nucléaire abritée sous son sarcophage. Bizarre. Non, mais c'était sûr ! Mais s'il a explosé depuis longtemps, ça veut dire qu'il y a des grosses radiations et qu'on va tous mourir. Yes ! Pas moi. Bah moi non plus parce que je suis aussi effet de matière noire. Ouais, on va pas se balader, on va se balader. À part si c'est la zone cancer. Il avait dit qu'on allait explorer la zone cancer. C'est pas grave. Yes. J'ai fait un tirage 2D et je suis plutôt contente de ce tirage. Mais tu ne sauras jamais. Un opéra. Alors que tu contemples les ruines de ce qui devait préserver d'un incendie funeste, d'une surchauffe qui a entamé la déliquescence de la région tout entière. Que tu entends le chant distant, celui des souvenirs de ceux qui vénèrent la stèle de pierre, cette stèle au cœur de pierre. Cet immense lieu de mort qui broie les vies qui subsistent dans ces temps futurs. Tu n'es ni un chat, ni tout à fait un zom-zom. Un zom-zom. Mais en toi, quel est l'ennemi qui sommeille? Sur ta carte. Il n'y a plus de vormes, de vormes, de créatures et mondes de bois, mon nom est Georges. De chair. J'ai un serpent dans mes bottes. En revanche, les mares qui parsèment ce qui subsiste du réservoir que les gens du lieu s'obstinent à appeler barret et auxquels ils puisent l'eau qu'ils boivent, ces êtres contrefaits, ces mâles tronches qui vivotent alentour la 8e tribu qui parle encore franzai. Tu vois s'agiter dans les mares ce qui ronge le mal du temps jadis. Cette substance morte qui s'écoule du réservoir, enfouie sous son sarcophage, se répand dans les eaux, ronge les chairs et les esprits. Mais toi, quel est ton ami, ton ennemi intime qui sommeille en toi ? Est-il fait de cette eau ? de cette eau, de cette emprise. C'est un serpent qui est en toi. J'ai un serpent dans ma bouche. Pourquoi tu dis ça? Parce que lorsque ta mère t'a tiré des eaux fongeuses, ta mère d'adoption qui a sauvé ta vie, elle t'a tenu par le pied et cette cheville seule a fait de toi l'Achille. De la huitième tribu. Parce qu'elle n'a... Elle ne t'a pas baigné dans la mare du barret 4 tout entier. Il fallait bien te tenir par la cheville. Dans ma botte. Comment s'appelle ce serpent? J'ai un serpent dans ma botte. Quel est ce serpent qui siffle au-dessus des têtes des gens qui t'approchent? J'ai un serpent. C'est celui qui s'empare de ton cœur et le phagocyte. J'ai un serpent. C'est un Pokémon. C'est le serpent qui s'entoure autour de ton cœur. Et... Il s'appelle « J'ai un serpent dans ma botte ». C'est le caducé. C'est celui qui fait de toi l'homme médecine de la tribu. J'ai un serpent dans ma botte. Qui ne peut soigner quoi? Le mal de son cœur. Son cœur condamné... à flétrir et à devenir pierre. Ça s'appelle un spicologue. Non. C'est je suis un médecin qui ne sait pas, qui ne peut pas soigner sa folie. Voilà. Sa folie à mordre les gens. Et ils font et ils tombent par terre. Ils ont les yeux verts après. Pas du tout des rêves. J'ai un serpent dans ma botte. Quel pacte avez-vous scellé? Avec un souvenir précieux. On gage. Leslie. Utiliser le souvenir s'il te plaît, ou tu peux utiliser un autre souvenir que tu pioches sur une seconde carte. Auquel cas tu touches l'oubli. Je peux pas piocher et choisir entre les deux. Allez, vas-y. Merci. Je sais pas. C'est pas la question que tu utilises, c'est la... le souvenir. C'est-à-dire bah que d'un acte théorique que tu aurais accompli. J'ai un serpent dans ma botte. Je suis une base de l'éclair. Déprendre de cet hôpital. À côté, il y a tes amis, les patients, qui sont comme toi dans l'hôpital. C'est pas mes amis, les patients. Il y a Louis. Hein? Copine? Copine? Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Il y a Marmotte qui n'en finit pas de dormir. J'ai un serpent dans ma botte. Chut. Il y a Ellie, l'obsessionnelle. Tu sais, moi quand je sortirai, je jouerai avec Pat. On jouera à chat blanc et chat noir. Ce sera trop bien. Qu'est-ce qui te protège de toute cette folie? Ma quête. Ta quête ou... Quatre. Et comment revêtu Kat? Comment tu Kat sais, tu prends le chat. Tu prends le chat, tu fais. Est-il présent sur toi alors que chaque matin et chaque soir tu dois revêtir la casaque de l'hôpital, sitôt la douche, ou bien souvent tu es... Je me douche avec, ou alors c'est lui qui me fait ma toilette. C'est Kat qui fait ta toilette. Bah, ouais. Sous le regard des torves, des blouses blanches qui te maintiennent sous la douche pour s'assurer que, au moins une fois par semaine, l'eau entre en contact et avec si ta peau. Oui. Dans ma botte. Et ensuite, comment revêtu Kat? Bah, c'est lui, il se met sur moi. Il se love contre toi? Et il prend la forme de mon corps. Et comment épouse-t-il ton corps? Bah, c'est ses capacités, c'est sa capacité. C'est... Il peut, il y a un serpent dans ma botte. Il peut changer de forme, il peut élargir ses membres. Et les... Il peut avoir un serpent dans sa botte. Non, tais-toi. Il peut les agrandir, les rétrécir, il peut modifier sa taille, oui. Il peut faire plein de choses. Et tu sais, dans mon dessin animé préféré, il disait un serpent dans ma botte. Oui, je sais, t'arrêtes pas de le dire. J'ai un serpent dans ma botte. Ça me saoule un peu. J'ai un serpent dans ma botte. Lorsque tu revais... C'est dans le film avec Puss l'éclair. Plus personne ne peut atteindre ton corps. Non. Ton corps est... sous le poil... palpitant, le cœur de ton ami Kat. Lorsque tu revais Kat, est-ce que tes mots franchissent encore le seuil de ta bouche? Oui. Mais je peux parler avec lui sans que les autres nous entendent. Et alors, comment parles-tu? Bah, quand je mets ma capuche, je peux lui parler. Salut, toi, dans ma voiture! J'ai un serpent dans ma botte! Tu discutes avec lui comme ça sous ta capuche? Oui. J'ai un serpent dans ma botte! Qui d'autre a vu Kat depuis que tes mots sont prisonniers de ta bouche, depuis que tu ne dis plus de mots, capturés dans ton sourire? Et Leslie, je sais aussi dans mon dessin animé préféré, ils disent « Je suis Puce l'éclair !» Ton doigt... au creux d'un arbre, un vieillard qui a mordu très fort ton doigt. Comme je disais, j'ai un l'arbre serpent dans à ma sourire. Botte. Et alors? Depuis que tu as que l'arbre, le vieux. Le vénérable saule dans le parc a mordu ton doigt. Tes mots ne sont plus que pour ton ami Kat. Non. C'est un serpent. À qui d'autre vont-ils? Ceux à qui seulement je veux parler. Et sinon, c'est ton doigt crispé dans l'arbre au sourire. Moi, je l'ai retiré. Ton sourire toujours présent et figé pour ceux qui ne voient pas Kat. Je leur fais peur de fâcher. Et Leslie, est-ce que tu sais ce que je veux dire? Non. J'ai un secret dans ma voix. Je suis Puce l'éclair. Puce l'éclair. Original. C'est aussi dans mon dessin animé. Depuis que ton sourire protecteur habille ton visage, Est-ce que un quelconque supérieur a pu te faire ôter 4 de tes épaules? Non. A pu chasser 4? Quand je le voulais. Il peut partir seulement quand je le veux. Sinon, il est collé sur moi. Et celui qui dit « j'ai un serpent dans ma botte », c'est Poddy. Il fait du poney. Et puis l'éclair, c'est les phénomènes c'est de compensation de ce patient avec des chapeaux sont exceptionnels. Des chapeaux en verre. Elle s'est réfugiée dans son sourire perpétuel et son mutisme et monsieur, réitéré permanent. Monsieur, mais monsieur, j'ai un serpent dans ma botte. On peut déceler à chaque impulsion émotionnelle, on le voit sur le oscilloscope, cette énergie. Cette énergie qu'ils sont les seuls, c'est là où se tient... Monsieur, vous savez, j'ai un serpent dans ma botte. Et à chaque fois que tu te trouves avec ce vieux docteur qui semble attaché non pas à te soigner mais à t'étudier... Je l'étudie également. Silencieusement, mais je l'étudie également. Essayer de trouver ses motivations. Et tu as toujours ton sourire quand tu te trouves contrainte à être dans son cabinet, oui. À l'examen. Oui. Et chaque fois que tu souris, tu as noté que les courbes sur l'oscilloscope montaient intensément. Et à mesure que s'étrécit ton regard, plissé par le plaisir du sourire que tu arbores, l'arbore comme une arme que tu lui tends, une arme dont tu le menaces, tu le vois de plus en plus pensif, patient, tu le vois noter des myriades de choses dans son petit carnet, les reporter sur son ordinateur, monsieur, gérer de nombreux diagrammes. Monsieur, vous avez déjà vu plus l'éclair? Et tu vois de petits personnages danser tout autour dans la pièce. Tu sais que ce sont les hallucinations des médicaments. Je ne fais pas attention, je le dis. Tu ne sais plus si les médicaments, tu les as pris avant d'entrer ou après. Ça, tu l'ignores. Tu l'ignores, mais tu sais que tant que tu auras ce sourire, ce doigt coincé dans l'arbre, le vorgne blanc du parc. Quelque chose t'y a mordu. Quelque chose a fait entrer en toi un venin qui court dans tout ton corps, qui remonte dans tes veines, qui circule en permanence et tu le vois sur l'écran. Et tant que ce sourire est affiché sur ton visage, il y a aussi Kat qui est ton gilet, ta capuche, ton bouclier qui te protège des investigations incessantes de ces scientifiques, de cette obscure société. Monsieur, tu te souviens d'un hindou qui est passé plusieurs fois avec un grand sourire. J'essayais de lui parler un jour. Avec les cheveux frisés en bataille, qui était heureux d'avoir embauché des fines pointes, des fines lames. Et ils savent tout des chiffres, des nombres. Et ils décrypteront votre secret, jeune fille. Nous saurons comment contrôler cette énergie. Monsieur, autrefois, Je sais comment on l'appelait et comment crient toutes ces voix. Certains appelaient ce phénomène l'égrégore. Alors le projet s'appelle l'égrégore pour l'instant, en l'honneur de ces vieux penseurs du décès. Du temps des Lumières. Mais nous sommes à l'aube d'une grande découverte. Et grâce à vous, malgré votre mauvaise volonté, mais nous avons l'accord de vos parents. Quels parents? Ce n'est pas mes parents. Nous saurons découvrir comment fonctionne cette matière. Non. Et monsieur, il vous parle, il peut y répondre. Ces phénomènes sont vraiment surprenants. À chaque fois que je parle avec elle, j'oublie combien son monde intérieur est peuplé de choses qui peuvent... Vous avez déjà vu le plus l'éclair et plus... Mais je te dis que c'est la meilleure, mon gars. Essaye. Deux gélules comme ça. Espèce de pileur. Deux gélules comme ça. Et t'auras plus d'insulination. D'insulination. Espèce de serpent dans ma botte. Parfait dans l'horaire. Je voudrais recueillir. Et donc on a fait les six. Là les bougies marquaient l'entrée dans les instances. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie? Moi j'ai pensé un truc. J'ai un serpent dans ma botte et je suis plus l'éclair. J'ai appris à me servir d'un briquet. C'est magnifique. Alors pour ceux qui n'avaient pas compris, puce l'éclair égale buzz l'éclair et j'ai un serpent dans ma botte, c'est une référence à Toy Story. C'est ce que dit Woody. Woody, tu t'es trompé de personne là. De quoi? C'est Woody, pas Woody. Ouais. Tu t'es trompé. Woody. Alors, Woody, c'est une autre personne. Est-ce que vous avez apprécié la façon dont les scènes s'enchaînaient? J'ai beaucoup aimé, j'ai rien d'autre chose, j'ai rien à rajouter. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie. J'ai beaucoup aimé. J'ai un truc à rajouter. Oui. J'aime les gaufres. Alors, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être privé d'une quelconque forme de votre agentivité dans cette partie? Non, mais je comprends pas pourquoi ils étudient mon personnage. Il sourit. Pour une fois, elle est heureuse de vivre, même si elle l'est pas. Ce que je comprends pas, c'est il t'étudie pour ta matière noire et moi, il m'étudie pas pour ma matière noire. Parce qu'on est double. Double matière noire. Ouais, j'avoue. Deux pour le prix d'un. Mais moi, je suis aussi un chat, mais bon. Tu es un chat. Non. Une possible interprétation. On a dit que c'était son chat. Tu as dit que t'étais chat noir, chat blanc. Au moment où elle cherchait à sauver son chat du Vorgne. Et donc, chat noir, chat blanc, celui qui la protège, ce serait Kat. Kat, c'est toi. Hein? Tu es Cartoon Kat. Non, je suis Kat. Mais en même temps, Ellie, je suis une double personnalité en vrai. C'est ça. Il y a deux chats en moi. Deux chats. Et ton sourire, Ellie, c'est ton chat. Et quatre. Ellie et quatre. T'as deux chats pour le prix d'un. Deux pour le prix. Du coup, on est trois. Oh mon dieu, il y a trop de monde en moi. Bah, ça va avec les cœurs. Ah oui. Du coup, j'en ai trois. Plus ceux que j'ai mangés. Et moi j'en ai sur trois. Sur la mécanique, vous êtes satisfait de l'agentivité que ça vous a procuré. Est-ce que la fiction vous a plu, l'histoire qu'on s'est racontée? Je rencontre le directeur. C'est pas juste. Je veux appeler le directeur. Et n'oubliez pas. Tu ne penses pas que tu l'as rencontré? N'oubliez pas, j'ai un truc. C'est le Vorgne. Attendez, j'ai un truc que vous avez sûrement pas. Mais j'ai pas le temps. J'ai un serpent dans ma botte. Arrête, je vais vraiment te mettre un serpent dans la botte. Mais j'ai pas de botte. Je vais t'en acheter et je vais te mettre un serpent dedans. Tiens, je vais t'offrir ça à ton anniversaire, tu sauras pas qu'il y a un serpent, tu vas le mettre. Donc, pour la partie. Je vais sentir tes pieds, moi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la partie qu'on vient de jouer en ressenti à chaud? Non, à part qu'elle était très bien. Est-ce que pour la partie suivante, ça vous conviendrait qu'on explore soit le royaume des Cordyceps, soit les Ouros. Les Ouros. Ou les... Non. Tu préfères lesquels, toi, pour l'instant? J'ai pas de... à ce stade de préférence. Toi, tu préférerais quoi? J'ai ni de préférence, ouais. Parce que je sais même pas ce que c'est le royaume des Cordyceps. Les Cordyceps, c'est un parasite... Qui existe vraiment dans la vie, d'accord. C'est un parasite qui se développe... seulement chez les fourmis dans la vraie vie, mais qui a muté dans la... dans la partie... qui est dans mon univers. Qui a muté. En fait, c'est un parasite qui alors va... Alors, quoi dans les Cordyceps? Qui va utiliser des corps étrangers pour c'est se c'est des répandre. Champignons. C'est des champignons. Ah, c'est ça le trou blanc. C'est Todd. Tu vas devenir Todd. En fait, on l'a... mais en plus agressif. On a commencé la rencontre avec le Cordyceps dans cette section. Avec les trucs blancs. Ouais. Et quand il m'a parlé de trucs blancs, j'ai pensé aux champignons. Je vous propose de jouer ce c'est voyage. Logique. Mais moi, je suis immunisé. Moi aussi. J'ai fait, donc, bien fait un lancer de dés, maintenant il faut que tu en fasses un. Aussi. L'idée, ce serait de jouer le voyage au pays Cordyceps et de le motoriser avec « Comme je descendais des fleuves impassibles », le jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure de KF. C'est Venom version œuf. Xavier, ça te convient ce que oui, je viens de dire? Oui, ça me convient. Donc jouer avec « Comme je descendais des fleuves impassibles », le voyage en pays Cordyceps. Donc... Ah, Cordyceps, ok. Ok. Ça ou Ouros? Les deux sont ouverts, puisque le, après, la matière blanche, fermé, c'était la référence au Cordyceps. Faire one, fight. Et la référence aux Ouros, c'était le nom d'Achille, 8e tribu, plongé dans... On va dans la règle, on va faire fight. Du. Lequel vous préféreriez? Moi le truc des Cordyceps, ça me j'ai pas trop envie. C'est ta peur des zombies? Non, j'ai surtout un peu peur de tout ce qui est parasite, etc. Qui pousse à l'intérieur des gens. Oui, ça... C'est vrai qu'il a été un peu traumatisé avec Alien. Donc, je suis surtout traumatisée d'avoir mangé du champignon sans mon autorisation. Donc voyage au pays Ouros. Et d'avoir respiré Ouros. Du champignon. Voyage au pays Ouros avec... ok, encore comme je descends. Et cette fois, je vais voir mon maître. Des fleuves impossibles. Et cette fois, moi, je vais... Donc je vais vous pouvez, ma en préparation, imaginer trois déchaîner. Lieux dont vous ne parlez à aucun des deux autres. Mmh. On jouera sans meneuse. D'accord. Par contre, on va se retrouver. Je veux pas de mousse à raser qu'on met dans la bouche. Mais, Oui, c'est vrai. Alors, c'est bon la mousse à raser. Alors, c'est on pourra considérer que, on pourra c'est considérer que c'était ton ton incursion au pays Cordyceps pour toi. Et qu'on joue en solo la partie, si tu veux, en pays Cordyceps pour toi. D'accord. Ça te va? Mais du coup, il y a toi, mais tu vas te faire infecter. Donc, et tu vas me frapper. Papa, on rajoute dans le voile, pas de mousse à raser introduit dans la bouche ou dans le nez. Voilà. Oui, bah c'était involontaire, tu l'as compris. Oui, mais même, on le rajoute dans le voile. Ok, bah je vous remercie pour cette partie. Mais du coup, on va encore se faire enfermer. C'est notre quotidien, en fait, de se faire enfermer. Alors là, ce on sera va plutôt... se faire sacrifier. On va dire comment on du a coup, traversé. Moi, je vais me faire sacrifier. Comment on a traversé le et pays. Moi, je vais le faire. Étudier. Donc, on évoque du et temps mouler. Long. Je vais vous l'envoyer. Je vais vous envoyer le document. Ça fait 6 pages très aérées. Je vais vous envoyer le document. Vous le lire. Vous aurez à lire et préparer les 3 points. En gros, c'est notre devoir. D'accord, pour la fois suivante. Mais c'est un voyage en temps long. Donc, on va en évoquer. Vrai, tes capacités, c'est pour. Dans les phases. Les 3 phases de périple de la prochaine fois de chacun, on va évoquer les lieux que vous aurez inventés. Du coup. Et dans le temps présent, moi, on dira comment on est sorti du pays Ouros. Mais déjà, il faut déjà y rentrer, ok? Ce sera dans le périple. Oui. On dira comment on a réussi. Même si c'est le pire endroit pour mon personnage. Et moi, c'est l'endroit des anges et qui sacrifie les démons. si, je fais. Je suis un taureau. En vrai, moi, en fait, voilà. je suis un mi-ange, mi-démon. Je suis un taureau. Donc, un mi-ange, mi-chat, mi. Bah, en fait, je suis un chat. Un chat. Mais un chat qui a la moitié de son. Enfin, il est noir et blanc, mon chat. Que je, le chat c'est que je yin suis. Et yang. Donc yin voilà yin. Pourquoi je suis. En fait, la partie 4, c'est le méchant. Et la partie Ellie, c'est le gentil. Oui, mais moi, j'ai. Les deux, propre, c'est des chats. J'ai mon propre chat. Okay. Miaou, miaou. Si tu meurs, 4, il meurt pas. Oui, bah oui, 4, c'est la partie invincible, en fait. Ouais. Et du coup, je vais l'utiliser toutes les 30 secondes. Enfin, je vais l'utiliser rarement. J'utiliserai plutôt Ellie. Je vais le séparer de toi. Je vais le faire en deux. Tu vas me faire ça. Bah, en fait, non, c'est. Je sais pas si. Enfin, je vais dessiner bientôt son. Le personnage d'Eli. Par contre, le premier dessin, c'est. Ça va pas, même s'il fait des chaînes. Les couleurs, ça va pas.